Bonjour, je suis Véronique Pillot-Bouillet, praticienne en massages intuitifs et créatifs. Le massage, ça se vit, ça se ressent, mais je relève un défi, vous en parler. Je constate que dans notre culture occidentale, ma pratique reste méconnue. Le massage, en général, on en a une idée. On connaît des noms de massages plus ou moins exotiques, le kiné en fait parfois. En voyage, certains hôtels en proposent, l'imaginaire galope. Mais finalement, rares sont ceux qui ont déjà décroché leur téléphone pour prendre un rendez-vous chez un ou une praticienne spécialisée en massage. Bien installés dans notre quotidien, nos esprits fourmillants, notre corps suit. Pourquoi le masser, lui offrir un toucher conscient, sain, nourrissant? Pour te répondre, je vais te raconter ici des histoires inspirées de ce qui se vit entre mes mains. La confidentialité est bien sûr respectée, même si certains se reconnaîtront peut-être. Il y a de vous et de moi dans mes mots. Allez, je t'emmène dans ma bulle. Épisode 3. Colère. Samedi, 11h. Tu es une femme, tu as 50 ans. C'est une de tes amies qui t'a recommandé à moi. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'expliques ton ras-le-bol professionnel, les années qui passent, la charge de travail qui ne fait qu'augmenter, la nouvelle direction qui t'a arraché toute autonomie, les contradictions, les petits jeunes qui ne font pas une minute de plus. Et puis tu as aussi tous ces soucis avec ta belle-mère devant laquelle ton mari s'écrase, ses déjeuners du dimanche chez elle alors qu'il y a tout à faire à la maison, le prof de ton fils qui est tellement nul que ça mériterait des sanctions, ce voisin insupportable, et chaque sujet est une flamme de colère. Je me demande si le feu va embraser le parquet de mon cabinet. Quand je te demande ton besoin, tu ne vois pas. Tu continues avec d'autres sujets irritants. Et le débit finit par se réduire. Tu t'arrêtes. Silence. Une énorme larme s'écrase au sol. Je suis fatiguée. Je voudrais qu'on me fiche la paix. Je t'invite à accueillir l'émotion ici et tout au long du massage. À souffler et crier ce qui est là. Armure est ma première image quand je pose mes mains sur toi. Un jour, un ami m'a dit que je suis un monstre de douceur. Ça m'a émue et fait rire, et j'ai accepté le costume. Là, je sens que ma douceur va percuter, chambouler, désorienter. J'y vais sur la pointe des pieds. Une touche de rose par-ci, par-là, un peu de lumière, ça vibre et ça tremble. Les cris étouffés s'envolent silencieusement. Mes yeux se mouillent de tes larmes refoulées. Je t'accompagne vers la paix, portée par tous les artisans de paix présents sur notre terre. Au fil du massage, je te sens revenir dans ton corps. La tête se calme. Mes mains s'attardent sur ton cœur. Aujourd'hui, tu as ressenti comment c'est d'éteindre le feu. On va se revoir. Tu as envie de construire la paix durablement. L'histoire que je viens de te raconter est une expérience de massage parmi d'autres, plus particulièrement un massage intuitif, mon approche, centrée sur toi, l'humain, avec beaucoup de liberté, de créativité et d'adaptation. En quoi ce récit t'a-t-il touché? Qu'en retiens-tu? Ferme les yeux, fais le tour de toi, de ton corps, ta vie, et complète la phrase. Demander un massage me ferait du bien pour... Avec ce podcast, tu as découvert la source massage. Je t'invite à y venir dès que tu en ressens le besoin. Retrouve-moi sur Internet, Facebook, Deezer, Spotify, YouTube, en tapant les massages de Véronique. À très vite pour un nouvel épisode.